Loin de son Allemagne natale, comme Riblas l'a expliqué à Don César, la reine d'Espagne, délaissée par son mari Charles II, s'ennuie et trouve pour seule consolation le bouquet de ses fleurs préférées, posé chaque jour sur un banc du parc du Palais-Royal.